la chaleur de la nuit. Comme en accord avec moi, complètement débranché, coupé du monde, du monde entier. Bohémien des temps modernes, je n'ai plus le temps de rêver. Y a-t-il une lueur, une espoir? Ce soir j'ai un coup de blues, c'est plus sombre que jamais. Blues. Seul avec ses idées noires, dans ce monde d'illusions et de rigueur, y a-t-il un peu de place pour un peu de chaleur? Et ce soir j'ai un coup de blues. Et ce soir j'ai un coup de blues.